Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'accession au pouvoir d'Hitler en 1933 a bien entendu entraîné un changement radical dans l'activité des services d'espionnage et de contre-espionnage soviétiques. C'est cette guerre secrète des soviétiques contre les nazis qui commença même avant la prise de pouvoir d'Hitler que racontait Alexandre Adler dans le troisième volet de son histoire de l'espionnage soviétique. Évidemment, il y est question de celui qui fut l'un des plus grands espions de l'histoire, Richard Sorg. Entre autres renseignements, Sorg prévint Moscou de l'entrée en guerre des Japonais par l'attaque de Pearl Harbor et l'informa de la date exacte du lancement par les Allemands de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Des informations capitales que Staline, on le sait, préféra négliger. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler, troisième épisode d'une série de 10, les services secrets soviétiques contre Hitler. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Les services secrets soviétiques contre Hitler, la trahison de Staline. Février 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir. De ce jour, l'activité des services secrets soviétiques va changer radicalement. Jusqu'alors, ils avaient tenté, plus ou moins sérieusement, de parvenir à apporter une aide à des mouvements révolutionnaires plus ou moins sérieux, depuis le Mexique jusqu'à la Chine, en passant par l'Angleterre. Ils avaient réussi de manière plus nette et plus décisive à pénétrer toutes les organisations de l'émigration russe blanche pour essayer de prévenir leur retour à l'intérieur de la Russie. Ils avaient monté des mystifications qui s'étaient soldées par la ridiculisation de leurs adversaires, mais ils n'avaient guère eu à combattre un adversaire acharné. Ni l'Allemagne de Weimar, ni la France de la Troisième République déclinante, ni même l'Italie mussolinienne, le Japon impérial encore moins, n'étaient des adversaires résolus de l'Union soviétique. Bien sûr, la propagande du régime prétendait exactement le contraire, afin de créer un climat obsidional dans le pays, de désigner sans cesse de nouveaux adversaires, de discréditer toute opposition comme étant le résultat de l'activité de services étrangers, et ceci, parfois, n'était pas totalement inefficace. Mais, bien entendu, il n'y avait, de la part des pays voisins de l'Union soviétique, aucune volonté de l'abattre, aucune volonté de la détruire, plutôt le vague espoir de la voir évoluer. Avec Hitler, tout change. En effet, le Führer de la nouvelle révolution nationale-socialiste allemande est un personnage d'une toute autre envergure, hélas. Résolu dans ses décisions, décidé avant tout à provoquer une guerre mondiale qui pour lui sera le moment d'instauration de l'hégémonie allemande, il voit dans l'Union soviétique l'incarnation du mal sur Terre et dans la destruction révolutionnaire raciale de la Russie, de ses dirigeants, juifs et russes ensemble mêlés, le moyen d'instaurer enfin une grande puissance allemande sur la Terre capable de rivaliser avec les États-Unis. C'est la raison pour laquelle la lutte contre l'Union soviétique devient de ce moment-là acharnée. Et Staline a le plus grand mal à y croire. Staline, en effet, considérait comme le bien le plus précieux de la politique étrangère soviétique l'existence d'une coopération entre les armées russes et allemandes, née des accords de Rapallo de 1922. Lorsqu'Hitler dénonce à son grand dame ses accords de Rapallo, fin 1933, Staline se convainc, non sans mal d'ailleurs, que pour l'instant en tout cas, la voie d'une réconciliation ou d'un accord tacite avec cette nouvelle Allemagne nazie, que par ailleurs il trouve fascinante, n'est pas ouverte. Et donc Staline, à son corps défendant encore une fois, va devoir s'identifier avec ceux de ses représentants des services secrets et du Comintern, qui sont les plus acharnés dans la lutte contre Hitler. Des gens pour lesquels Staline n'avait jusque-là que mépris, car il sent bien que l'appel à la lutte contre Hitler équivaut à l'alliance avec les démocraties occidentales, et que l'alliance avec les démocraties occidentales aboutira inévitablement à un moment ou à un autre au triomphe des idées semi-social-démocrates qu'avait déjà exprimé son adversaire Boukharine, à la réconciliation avec tous ces éléments libéraux, démocratiques, critiques de l'autoritarisme stalinien. C'est la raison pour laquelle Staline se range dans le camp de l'alliance avec les démocraties, la France en tout premier lieu, la mort dans l'âme, et ne renoncera jamais à retrouver avec Hitler et le Troisième Reich les moyens d'un compromis historique auquel il parviendra en 1939. Mais, et c'est tout le paradoxe de cette histoire, si les intentions de Staline sont assez claires, l'activité incessante de ses services, elles, qui ne comprennent nullement les noirs desseins de leur chef, est tout entière dirigée contre le nazisme auquel il porte des coups redoutables. C'est cette histoire que nous allons essayer de raconter aujourd'hui. Tout d'abord, avant même la prise du pouvoir, les services secrets soviétiques se sont efforcés d'empêcher Hitler de parvenir à la dernière marche, et ceci, c'est l'histoire encore méconnue, sombre, ambiguë, des rapports des services soviétiques et du général von Schleicher. Qui est von Schleicher? Le général von Schleicher était le chef de ce qu'on a appelé la Reichswehr noire, c'est-à-dire des activités clandestines et politiques de la Reichswehr, et en tant que tel, il avait présidé pendant des années à l'exécution des accords de Rapallo avec l'Union soviétique. C'est lui qui envoyait les experts allemands former les officiers soviétiques, c'est lui qui organisait la réception d'officiers soviétiques en Allemagne, bref, tout cet incessant va-et-vient qui avait tissé d'étonnants rapports entre les deux armées. Mais von Schleicher, c'est aussi un homme politique conservateur, un officier d'artillerie, de tendance plutôt républicaine, plutôt libérale, même s'il n'a, comme tous les officiers prussiens, qu'une estime mesurée pour les civils, et c'est enfin l'ami de Franz von Papen, le politicien catholique de droite, la droite la plus dure en réalité, qui a l'oreille du vieux maréchal Hindenburg, élu président de la République, pour garantir le maintien de la République de Weimar. Von Schleicher s'est convaincu dès 1932 que Hitler est un fou dangereux et qu'il faut à tout prix éviter son accès au pouvoir. Cette opinion, il n'est pas le seul à l'avoir, mais il est certainement celui qui l'exprime avec le plus de conviction, de fougue et de capacité politique à l'intérieur de l'état-major et je dirais plus largement des élites allemandes. Bien sûr, on sait que von Schleicher aura été le dernier chancelier de la République de Weimar, qu'il a tenté vainement d'organiser une scission du parti nazi avec l'aide de la gauche nazie de Gregor Strasser, lequel aurait dû devenir son vice-chancelier et ainsi barrer la route à Hitler de la chancellerie. On sait aussi que von Schleicher avait flirté avec le parti social-démocrate qui était prêt, lui aussi, à lui accorder sa confiance pour peu qu'on arrive à une dissolution de ce Reichstag qui était déjà dominé par les nazis. On sait enfin que les manœuvres habiles de von Schleicher se sont heurtées au sabotage par le président Hindenburg de son nouveau gouvernement, car le fils de Hindenburg, Otto, et son ami von Papen étaient déjà acquis, par jalousie de von Schleicher et par esprit réactionnaire, à une arrivée des nazis au pouvoir en coalition avec une droite moins extrême. Et c'est effectivement ce qui arrivera à la fin du mois de janvier 1933, avec la démission du cabinet von Schleicher et l'intronisation d'Adolf Hitler comme chancelier du Reich. Mais ce que l'on ne savait pas jusqu'à une date récente, c'est que parallèlement à ces manœuvres dirigées contre le parti nazi ou avec la gauche traditionnelle, von Schleicher avait aussi négocié très directement avec l'Union soviétique. Non seulement il avait garanti à Staline le maintien et l'extension des accords de Rapallo, en échange du soutien du KPD, mais il avait bel et bien obtenu ce soutien, car à partir de 1932, le Parti communiste, qui sabotait toutes les tentatives de regroupement anti-nazi jusqu'alors, commence à voter au Reichstag les motions de la social-démocratie et des autres partis qui auraient dû aboutir à la dissolution du Parlement et à de nouvelles élections. Et on voit bien que le Parti communiste, pendant la brève période où von Schleicher est chancelier, l'a aidé. Il y avait en fait dans le cabinet de von Schleicher un agent communiste véritable, un futur universitaire depuis exilé en Angleterre, Alfred von Rettel, qui a fini par raconter son histoire compliquée dans les années 60 à un public incrédule. Von Rettel avait été recruté par le Parti communiste à la fin de ses études de droit et de philosophie. C'était un publiciste brillant, d'une famille plutôt conservatrice, et il avait été recruté au cabinet de von Schleicher pour rédiger un certain nombre d'appels. Il était le témoin de toutes les négociations de von Schleicher. Il apparaît aussi qu'il servait, avec la connivence et la connaissance du chancelier, de liaison avec les dirigeants communistes et l'ambassade soviétique. Et donc, il faut bien le dire, même si la politique de Staline à l'égard de la République de Weimar finissante est rien moins que brillante, il est certain que les services soviétiques avaient une connaissance de la vie politique intérieure de l'Allemagne importante et qu'au moins en 1932, ils ont essayé de donner sa chance à Schleicher, un chancelier qui leur convenait. Il n'était ni très démocrate, ni très ouvert sur le reste du monde, mais il était patriote et il était anti-hitlérien. Cet épisode passé, il faut évidemment pour les services soviétiques s'organiser pour lutter contre un régime nazi de plus en plus puissant et de plus en plus menaçant. Que font les soviétiques? Trois choses essentiellement. Tout d'abord, ils déplacent leur centre de gravité de Berlin vers Paris. C'est la grande fuite de tous les appareils du Comintern, de tous les espions, de tous les réseaux clandestins vers cette France de la Troisième République qui n'en peut mais, mais qui va bénéficier de toute l'attention des soviétiques. Dans les années 20, les services soviétiques et le Comintern encourageaient le nationalisme allemand. Dans les années 30, qu'importe la bouteille pourvu qu'on ait l'ivresse, ce sera le nationalisme français qui sera l'objet de toutes leurs attentions. C'est ainsi qu'un journal traditionnellement lu dans les milieux militaires, l'Ordre d'Émile Buret, sera pénétré par un certain nombre d'agents de l'Internationale communiste, dont le célèbre Otto Katz, qui est devenu vice-ministre à Prague, sera pendu dans les procès de 52, et qui, sous le pseudonyme d'André Simone, va multiplier des éditoriaux nationalistes français exaltés, où on démontre à des militaires de tendance plutôt maurassienne ou conservatrice que l'intérêt supérieur de la France est de s'allier à l'Union soviétique pour endiguer la menace du nazisme allemand. Beaucoup de conservateurs français n'y verront que du feu. S'agissant de la tendance la plus jacobine, la plus à gauche du parti radical, ce qu'on appelle les jeunes turcs de Pierre Cotte, la manœuvre est de même nature, elle est un peu plus visible. Certes, des controverses ont éclaté depuis des années, cherchant à faire de Pierre Cotte un agent soviétique dans les années 30. Rien n'est plus éloigné de la vérité. En réalité, on le voit bien, l'entourage de Pierre Cotte était pour l'essentiel composé de radicaux sincères qui considéraient l'Union soviétique de l'époque comme le théâtre d'un mouvement robespierriste peut-être un peu exagéré par l'âme slave, mais substantiellement identique à la République française dans ses harmonies essentielles. Et il y a toute raison de croire que Pierre Cotte lui-même n'a jamais eu que des contacts officiels avec les soviétiques, et Dieu sait qu'il le flattait, et qu'il n'a jamais prêté la main à des activités d'espionnage. En revanche, et ceci d'ailleurs l'innocente, on trouve dans son cabinet déjà deux espions soviétiques patentés, Pagnier, qui sera identifié par la DST dans les années 50, et André Labarthe, journaliste brillant, causeur infatigable, et que nous aurons l'occasion de retrouver à Londres, où il remplira les mêmes fonctions, en s'agitant d'abord autour du général de Gaulle, puis en essayant de monter l'amiral Muselier contre le général, une autre activité importante des services secrets soviétiques de cette époque. Mais en tout cas, cette tentative donc de pénétrer la société française commence à cette époque. Les réseaux mis en place dans les années 30 se prolongeront longtemps, jusqu'au début des années 60, et les deux foyers, le pseudo-nationalisme de l'ordre d'Émile Buré, le parti radical, notamment dans sa tendance Pierre Cotte, sont déjà faciles à identifier. Deuxième activité, c'est une activité beaucoup plus héroïque, beaucoup plus dure. C'est une activité de subversion de l'Allemagne nazie, à laquelle, avec l'aide de communistes allemands, de l'appareil militaire, les services secrets soviétiques vont s'adonner pendant des années. De ce point de vue, l'épisode le plus sanglant et le plus considérable, c'est celui de la guerre des ports, de la guerre des docks, comme on l'a appelé, que mène une branche spécialisée des services de renseignement soviétiques, nés de l'Internationale des ports et docks, elle-même rattachée à l'appareil du Comintern, pour organiser le blocus économique de l'Allemagne. Pendant les années 1934 à 1939, c'est près d'une centaine de cargos allemands qui auront été ainsi détruits ou endommagés dans les ports par le sabotage systématique des militants communistes. À la tête de cette opération, un militant communiste hambourgeois, Ernst Wollweber, qui avait été un des pionniers de l'organisation politique du Parti communiste dans les docks de Hambourg, un des organisateurs de l'insurrection avortée de 1923, et qui, sous diverses identités, en voyageant sans cesse de la Hollande à la Suède, va organiser ainsi le sabotage de la marine marchande allemande. Deuxième opération moins connue, mais tout aussi spectaculaire, l'impression massive de Reichsmark, c'est-à-dire de monnaie allemande officielle, par les services soviétiques qui l'écouleront à l'intérieur de l'Allemagne pour faire repartir l'inflation ou pour miner le crédit des gouvernements allemands. À ces opérations de sabotage pur et simple, souvent menées au péril de leur vie, les soviétiques vont ajouter des tentatives souvent réussies de pénétration des organismes allemands, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. Et ici, le personnel diplomatique, souvent anti-nazi, parfois un peu ébranlé, va se prêter au jeu mieux qu'on ne le penserait. Deux hommes en particulier ont illustré cette capacité soviétique de paralyser la machine diplomatique hitlérienne. C'est à Tokyo le célèbre Zorge et à Varsovie son homologue Rudi Hernstadt. L'un et l'autre vont être des informateurs de premier plan des services soviétiques. Zorge et Hernstadt, deux destins bien tragiques, bien différents. Zorge, il est devenu un héros en Allemagne de l'Est, en Union soviétique aussi. C'est le neveu d'un ami de Karl Marx, Friedrich Albert Zorge, qui était récipiendaire d'une abondante correspondance que lisent encore les spécialistes. Il a eu une jeunesse aventureuse à Bakou, où son père, ingénieur, travaillait dans les pétroles avec Alfred Nobel, l'inventeur du prix Nobel. Il a fait de très bonnes études en Allemagne, participé au début de l'école de Francfort, ces jeunes marxistes indépendants. Et puis, comme c'était un intellectuel, qu'il était attiré par le Parti communiste, il a rapidement été recruté par les services de renseignement de l'armée soviétique et formé en Russie, il parlait d'ailleurs fort bien le russe, non pas pour prendre sa place dans le combat ouvert du Parti communiste, mais dans le combat clandestin, celui des ombres. Avec l'arrivée du nazisme, il s'implante dans l'agence d'information officielle allemande et il en devient le correspondant à Tokyo. Et là, son charme, son côté disert, sa capacité aussi à devenir ami avec les diplomates, sa connaissance du japonais, enfin, en font un personnage clé de l'ambassade allemande, auquel chacun vient faire ses confidences et auquel l'ambassadeur lui-même donne des informations de première main qui ne tardent pas à trouver le chemin de Moscou. Il faut bien dire aussi que Zorg est un homme dont les capacités de recrutement au Japon lui-même sont considérables, puisqu'il va avoir l'aide d'un jeune communiste japonais qui a réussi à s'infiltrer dans l'entourage du prince Konoye, un cousin éloigné de l'empereur, qui est connu pour être le partisan de la paix en Asie et l'adversaire de ceux qui voudraient se lancer dans une attaque contre l'Union soviétique. Hotsumi Ozaki, le secrétaire de Konoye, était-il donc un espion soviétique? Ceci fait peu de doute. Ou peut-être un homme qui, avec le consentement du prince Konoye, envoyait des messages, parfois non codés, à l'Union soviétique. C'est le vrai mystère de l'affaire Zorge, qui continuera ainsi jusqu'en 1941 à informer très directement Staline de l'imminence de l'attaque allemande, sans être cru pour autant. Mais il n'est pas le seul. Si la date du 22 juin 1941 est effectivement donnée par Zorge, Mao Tse-tung, dans les années 50, se fera un plaisir de rappeler que le Parti communiste chinois, de son côté, avait réussi à Chongqing, la capitale de la Chine non occupée par les Japonais, de Chiang Kai-shek, d'arriver au même résultat, et ce résultat sera corroboré par des dizaines d'autres espions soviétiques installés dans tous les rouages des appareils de décision du monde occidental. Si Staline n'a pas cru à l'imminence de l'attaque, c'est pour d'autres raisons sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain épisode. Mais en revanche, les Japonais, eux, avaient depuis fort longtemps logé, comme on dit, Zorg. Ils savaient très bien qui il était. Et s'ils ne l'arrêtent, ainsi que son ami Ozaki, ils seront tous les deux suppliciés, que dans le courant de 1942, il y a un petit mystère qui n'est pas très difficile à résoudre. En réalité, l'empereur Hirohito, le prince Konoye et le parti de la paix s'étaient résignés à entrer en guerre pour abattre les empires coloniaux de l'Angleterre, de la Hollande et des États-Unis en Asie du Sud-Est. Et aussi parce que Roosevelt les avait acculés par l'embargo total sur les matières premières qui affectait le Japon à partir de sa conquête de l'Indochine en 1941. Et pour autant, l'ambition de Hirohito était de sortir de la guerre à un moment donné par une paix de compromis aussi bien avec les États-Unis et la Grande-Bretagne au sud qu'avec la Russie au nord. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait aucune intention de venir tirer les marrons du feu pour Hitler. On peut donc imaginer que pour éviter tout incident de frontière et tout débordement, les dirigeants japonais, ceux notamment qui étaient le plus proches de l'empereur, aient délibérément accepté que Zorg renseigne en permanence Moscou sur les intentions japonaises. C'est en effet un des derniers messages de Zorg que d'expliquer que le Japon n'entrera pas en guerre, quelles que soient les objurgations des Allemands pour qu'ils le fassent, même après que le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941 est entraîné par solidarité de Hitler une déclaration de guerre aux États-Unis qu'on n'attendait pas si tôt. Eh bien, malgré cela, l'armée japonaise restera l'arme au pied en Mandchourie. Zorg en est sûr. Cette fois-ci, il est cru, alors qu'il n'avait pas été cru pour l'invasion du 22 juin 1941. Les divisions sibériennes arriveront à temps à Moscou et l'armée allemande aura son ressort brisé dans le froid et les intempéries de décembre 1941. C'est quelques mois plus tard que Zorg paiera cette information de sa vie, mais il y a tout lieu de penser que les Japonais étaient tout aussi intéressés que les Russes à ce que cette information exacte parvienne en temps et heure. Voilà ce qui est le destin de Zorg, celui de Hernstadt, tout aussi tragique et beaucoup plus complexe. Hernstadt, à la différence de Zorg, est juif, ce qui l'empêche d'obtenir des affectations officielles dans les agences allemandes. Pourtant, il restera un an par des protections diverses jusqu'en 1934, journaliste et correspondant de presse allemand en Europe centrale. C'est un grand spécialiste de l'Europe de l'Est, il est très apprécié de nombreux diplomates allemands, et quand il continue avec une identité fausse à être le correspondant d'un certain nombre de journaux de langue allemande non allemand en Pologne, eh bien, il renoue avec un certain nombre de personnels de l'ambassade qui, dans le fond, sont bien contents de manifester leur anti-nazisme ou leur anti-hitlérisme peut-être superficiel en entretenant des relations privilégiées avec ce brillant correspondant de presse. Rudi Ehrenstadt est en fait le principal espion soviétique à Varsovie. Ayant développé au départ son activité pour espionner les relations du gouvernement polonais au départ allié de l'Allemagne, il va devenir l'informateur principal sur les intentions allemandes. C'est grâce à lui que les soviétiques sauront à leur près les décisions allemandes d'entrer en Pologne en septembre 1939. C'est grâce à lui encore, et depuis Varsovie, qu'ils seront avertis du changement de dispositif de Hitler et du début de la planification d'une campagne d'invasion de l'Union soviétique. Et là encore, Staline ne tiendra pas grand compte des avis de Ehrenstadt. Ehrenstadt, lui, survit aux arrestations après la fin de la Pologne indépendante. Il est expulsé par les Allemands en Scandinavie. Il ne tarde pas à gagner Moscou, où il deviendra un des instructeurs du comité Allemagne libre et un homme clé de l'instauration de la nouvelle République démocratique allemande en zone soviétique après 1949. Mais là, son destin connaît un croisement extraordinaire, car Rudi Ehrenstadt, devenu journaliste puis directeur de Neues Deutschland, l'organe central du régime, un des inspirateurs idéologiques de celui-ci, va avec son ancien patron Wilhelm Zeisser, l'ancien chef des services secrets du Parti communiste allemand, devenir l'homme de Beria, l'homme donc des services secrets soviétiques en Allemagne, et à ce titre, le défenseur d'une démocratisation massive de l'Allemagne de l'Est en 1952, prélude pur et simple à la réunification avec l'Allemagne de l'Ouest, que souhaitait plus que tout Beria et son associé pragmatique au bureau politique soviétique, Malenkov. Ehrenstadt tombera sous les critiques pour révisionnisme de son poste au bureau politique dès 1953, lorsque Walter Ulbricht, avec le soutien de Khrushchev, annule toutes les dispositions de rapprochement des deux Allemagnes. Il sera envoyé, alors qu'il est déjà tuberculeux, dans une zone extrêmement polluée de la Saxe, et il meurt, journaliste à l'écart, ayant repris des travaux historiques dans une espèce de désespoir nébuleux et sombre, dans ce coin reculé de la Saxe, où les autorités est-allemandes l'avaient relégué. Sa réhabilitation ne viendra, c'est un hasard, que lorsque Yuri Andropov sera devenu le chef de l'Union soviétique et que tout d'un coup, en Allemagne de l'Est, des articles à la gloire de Rudi Ehrenstadt réapparaîtront. Sa veuve sera autorisée à donner une interview à la presse officielle. Mais combien de temps restait-il à vivre à cette Allemagne de l'Est, dont Ehrenstadt avait fini par se convaincre qu'elle n'avait pas grand avenir? C'était « Histoire d'espionnage soviétique » par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Le troisième volet de la série des 10 histoires d'espionnage soviétique a été diffusé pour la première fois le 23 août 2000 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.